La chambre numéro 3 par Anna Catherine Green. Chapitre 1er. Quelle est cette porte? Vous avez ouvert toutes les autres. Pourquoi passez-vous devant celle-ci sans l'ouvrir? Celle-ci, oh, c'est le numéro 3. Un simple cabinet, messieurs, répondit l'hôtelier d'une voix aimable. Elle sert quelquefois de chambre à coucher quand la maison est pleine. Jake, le garçon que vous avez vu en bas, y a couché la nuit dernière. Mais elle ne figure pas sur nos registres. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Certainement. Vous le savez, notre devoir est de visiter toutes les pièces de cette maison, qu'elles soient ou non portées sur vos registres. Très bien. Je n'ai pas la clé de celle-ci sur moi. Mais si, je l'ai. Tenez, messieurs, continua l'hôtelier en ouvrant la porte de la chambre. Vous voyez qu'elle ne répond pas plus que les autres à la description donnée par cette jeune fille. Et je n'en ai pas d'autre à vous montrer. Vous êtes bien forcé de l'admettre. La vieille dame n'a jamais mis les pieds dans cette auberge. Les deux personnages auxquels l'hôtelier s'adressait regardèrent avec curiosité le sombre réduit qui s'ouvrait devant eux, et l'un des deux, grand et bel homme à l'apparence robuste et franche, y pénétra avec précaution. C'était un propriétaire des environs, qui avait été récemment nommé shérif à l'occasion d'une série de vols de chevaux commis dans le voisinage. « Je vois, » dit-il après un rapide examen, « que le papier de tenture ne ressemble pas du tout à celui que nous a décrit. Le témoignage en ce qui concerne ce papier est très affirmatif. Il est d'un rose fané, avec de grands dessins figurant des sortes de larges feuilles recourbées. Or, ce papier-ci est bleu et arrêt. Ainsi, descendons !» proposa son compagnon, personnage d'importance, car ses moindres paroles étaient accueillies avec déférence. « Il fait froid ici, monsieur Kimbe, » ajouta-t-il en s'adressant à l'aubergiste. « D'ailleurs, je voudrais poser encore quelques questions à la jeune fille. » « Ma réputation est entre vos mains, monsieur le coroner Golden, » répliqua l'aubergiste. Puis, comme tous deux se mettaient en marche, il ajouta. « Dire que ma réputation peut être mise en balance avec la parole d'une folle. » Le shérif jeta involontairement un dernier regard dans l'étroite chambre aux murs nus et tristes qu'il quittait. Le papier bleu fané, aux rayures banales et démodées, devait couvrir les murs depuis des années. Il était non seulement terni par le temps, mais montrait çà et là de larges taches, en particulier à l'endroit de l'ouverture qui livrait passage au tuyau du poêle. Oui, évidemment, ce papier malpropre, souillé, devait depuis fort longtemps tapisser la pièce. Il était ridicule d'en douter. Cependant, les regards du retardataire se fixèrent un instant sur la face bonasse de Kimby. Il hésita un instant, puis il se décida enfin à suivre le coroner et l'aubergiste qui se hâtaient dans les trois couloirs. S'il avait eu l'idée de retourner sur ses pas avant de dépasser certains coins, peut-être que... Mais non, il est fort probable que même à ce moment-là, il n'eût rien appris d'intéressant. Une porte fermée avec soin, le glissement derrière lui d'un pas empressé et silencieux, qu'y avait-il là pour éveiller la curiosité et fixer le soupçon? Et puis, toutes les paroles de Jacob Kimby ne semblaient-elles pas dictées par la sincérité? L'auberge des Trois Fourches est maintenant oubliée. Mais à l'époque où se passent les événements que nous racontons, c'était un établissement bien connu, encore que peu fréquenté, situé un peu en retrait, le long de la grande route, à la lisière de la forêt qui s'étend entre les deux villes de Chester et de Danton, dans le sud de l'Ohio. Elle était de construction ancienne, très pittoresque avec ses vieux vitraux, sa porte antique, très rustique aussi. Ce caractère champêtre était accusé par son isolement et par le voisinage des grands bois qui l'entouraient presque. Cette solitude séduisait une certaine catégorie de pensionnaires qui venaient séjourner aux Trois Fourches pendant l'été. En revanche, elle ne plaisait pas autant aux voyageurs de passage, de sorte que si l'auberge se trouvait pleine durant une nuit, il arrivait qu'elle fût à peu près vide la nuit suivante et n'abrita que quelques fidèles qui aimaient les bois et auxquels plaisaient les manières vieillottes et doucereuses de l'hôtelier qu'était sa femme, attentive et silencieuse. Le bâtiment principal, celui du devant, était construit en bois et portait, du côté de la route, des pignons qui faisaient saillie au-dessus de quelques vestiges de sculptures grossières. Ces pignons étaient modernes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vieux de plus d'un siècle. En arrière de ce bâtiment principal s'élevait ce qu'on appelait l'annexe, et qui était la partie la plus ancienne de l'auberge. C'était là que se trouvait la chambre numéro 3. À l'époque où elle avait été édifiée, l'annexe recevait peut-être le soleil, et de ses fenêtres, on apercevait sans doute un panorama agreste mais elle était maintenant si entourée de dépendances qu'on la considérait comme la partie la moins attrayante de la maison, et la chambre numéro 3 comme la moins attrayante des pièces qu'elle contenait. Tout était si privé de jour qu'on y était obligé d'avoir recours à la lumière artificielle dès 3 heures de l'après-midi. Le parloir où pénétrèrent le coroner Golden, le shérif Hammersmith et Kimby était aussi mal éclairé. Bien qu'il fît encore jour dehors, on y avait déjà allumé une lampe, et c'est à sa clarté que les arrivants virent se dresser devant eux une étrange figure de femme dont la vue parut faire, tout particulièrement, une forte impression sur M. Hammersmith. C'était une jeune fille, mince et robuste, dont le visage s'éclairait de 2 yeux pleins de feu et d'une jolie bouche fraîche, d'un admirable éclat. Elle se tenait debout, veillant, semblait-il, sur une forme enveloppée d'un linceul et étendue sur un canapé dans le coin le plus éloigné de la pièce. Un impérieux n'avançait pas, semblait se lire dans ses regards, son attitude et le geste muet de sa main étendue en avant. C'était un ordre émanant d'une âme offensée, consciente de ses droits et instinctivement désireuse de les faire respecter. L'aubergiste, cependant, fit quelques pas en s'inclinant d'une façon conciliante. « Je vous demande pardon, dit-il, mais ces messieurs, le docteur Golden, le coroner de Chester et le shérif, M. Hammersmith, désirent vous poser encore quelques questions au sujet de la mort de votre mère. Je suis sûr que vous voudrez bien y répondre. » Ses yeux se tournèrent lentement vers son interlocuteur. « Je désire vivement y répondre, » dit-elle d'une voix que faisait trembler l'émotion. Mais la vue de l'hôtelier, dont le visage était empreint d'un air de fausse compassion, ses joues et ses lèvres devinrent pâles, et retirant la main qu'elle tenait toujours étendue, elle jeta autour d'elle un regard qui cherchait protection et qui toucha le cœur de M. Hammersmith. « La vérité, dit ce dernier, ne doit pas être difficile à connaître dans un cas comme celui-ci. Je suis certain que mademoiselle peut nous expliquer ce qui s'est passé. Docteur Golden, êtes-vous prêt à entendre son récit ?» Le coroner, qui était jusqu'alors resté silencieux, surpris sans doute par la beauté et l'élégance de la jeune fille, s'éveilla à cette question directe et, s'inclinant d'un air digne, répondit. « Certainement, nous écouterons ses explications, quoique les faits soient bien établis. La femme qu'elle nomme sa mère fut trouvée ce matin, à la première heure, dans les bois voisins, étendue la face contre terre et morte. Elle avait buté sur une souche à demi cachée, avec une telle force qu'elle s'était tuée sur le coup. Si sa fille se trouve avec elle à ce moment-là, elle a dû s'enfuir sans chercher à la secourir. La nature et la position de la blessure que la morte portait au front, ainsi que les faits découverts depuis, excluent toute discussion sur ces points. Mais nous entendons cependant la jeune fille. Elle a le droit de parler et elle parlera. Votre mère n'est-elle pas morte dans le bois? Pas de faux fuyant, mademoiselle, mais la vérité pure et simple. Messieurs, elle s'adressait au coroner et au shérif, mais sa prière semblait être destinée au seul être compatissant qui se trouva devant elle. Si ma mère est morte dans le bois, et je ne puis affirmer qu'il en soit autrement, ça n'a été qu'après s'être trouvée dans cette maison. Elle y arriva en ma compagnie et on lui donna une chambre. J'ai vu la chambre, j'ai vu ma mère dans cette chambre. Je ne puis m'être trompée là-dessus. Si je l'ai fait, c'est que je suis devenue soudainement folle, et c'est une chose qu'il m'est difficile d'admettre. Monsieur Kimby, est-ce que Madame Desmarets est venue avec sa fille ? Demanda M. Hammersmith à l'hôtelier qui restait silencieux. Elle l'affirme, fut la réplique, accompagnée d'un haussement d'épaule apitoyé qui en disait long. Et je suis certain qu'elle le croit, ajouta l'aubergiste avec une bienveillante emphase. Mais demandez à Jake, qui a été là toute la soirée. Demandez à ma femme, qui a accompagné la jeune demoiselle jusqu'à sa chambre. Demandez à tous ceux qui se sont trouvés hier soir à l'auberge ou dans son voisinage. Tous seront d'accord pour déclarer que Mademoiselle Desmarets est venue seule. Elle a refusé de dîner, puis elle a demandé une chambre, et comme j'hésitais à lui en donner une, elle a annoncé que sa mère allait venir la retrouver. Je devais l'aviser dès qu'elle serait arrivée, mais si au contraire un monsieur la demandait, il fallait me garder de dire qu'elle était dans la maison. Elle me pria même de ne pas inscrire son nom sur le registre, faveur que j'hésitais longtemps à lui accorder. « Oh !» s'écria avec indignation la jeune fille. « Je comprends tout maintenant. Cet homme n'a pas la conscience tranquille. Il a quelque chose à cacher, sans quoi il ne prendrait pas la peine de mentir au sujet de semblables détails. Je ne lui ai jamais demandé de ne pas mentionner mon nom sur le registre. Au contraire, j'ai inscrit moi-même mon nom, ainsi que celui de ma mère. Faites apporter le livre et vous verrez. « Nous avons vu, » répondit le coroner. « Nous avons regardé le registre nous-mêmes. Vos noms ne s'y trouvent pas. » La rougeur d'indignation qui avait empourpré les joues de la jeune fille s'éteignit. Mais elle demeura aussi émouvante dans sa pâleur qu'elle avait été l'instant d'avant dans l'éclat de son émotion. Et ils n'y sont pas, laissèrent tomber ses lèvres d'un ton qui se glaçait, tandis que ses yeux, devenus fixes, regardaient les visages qui se trouvaient devant elle et que sa main cherchait un appui. M. Hammersmith lui offrit une chaise. « Asseyez-vous, » murmura-t-il. Puis, tandis qu'elle se laissait tomber, accablée, il ajouta doucement. « Nous aurons pour vous tous les égards possibles. Dites seulement la vérité, l'exacte vérité, sans vous laisser emporter par votre imagination, et avant tout, n'ayez pas peur. » Elle entendit peut-être ces paroles, mais ne témoigna d'aucune façon qu'elle les eût comprises. Elle suivait des yeux les mouvements de l'aubergiste, qui s'était glissé hors de la pièce pour chercher le registre, et le tendait maintenant au coroner. « Qu'elle regarde elle-même » suggéra-t-il d'un air doux, presque paternel. Le docteur Golden prit le livre et s'approcha de Mademoiselle Desmarets. « Voici un nom qui ne ressemble pas au vôtre. » Et il le lui désigna, tandis qu'elle regardait la page à laquelle il avait ouvert le livre. « Annette Colvin, Lansing, Michigan. »« Ce n'est ni mon nom, ni mon écriture, » dit-elle. « Il y a de la place au-dessous pour votre nom et celui de votre mère, mais elle est vide. Vous le constatez. »« Oui, oui, je vois, » reconnut-elle. « Pourtant, j'ai écrit mon nom sur le registre. Tout cela est un affreux cauchemar. » Le coroner rendit le livre à l'hôtelier. « Est-ce votre unique registre ?» demanda-t-il. « Oui, c'est mon seul registre. » Les yeux de Mademoiselle de Marais flamboyèrent. Hammersmith, qui avait suivi cette scène avec un intérêt croissant, vit dans cet éclair la preuve de l'indignation ressentie par une âme candide en face d'un fief et coquin. Mais lorsqu'il se mit à observer le débonnaire Quimby, il ne sut plus que croire. Son assurance égalait celle de la jeune fille. En fait, c'était lui qui montrait le plus de calme. Pourtant, l'accent sonna vrai lorsqu'elle cria « Vous inventez histoire sur histoire !»« Je réclame le privilège de raconter tous les événements comme je me les rappelle » continua-t-elle avec un regard suppliant à l'adresse de son unique allié. « Ensuite, vous pourrez l'écouter, lui. »« Nous ne désirons pas autre chose, » répondit le coroner. « Il me faudra parler d'une circonstance mortifiante pour moi, » commença-t-elle, avec un effort pour reprendre son sang-froid qui provoqua l'admiration du coroner lui-même. « Mon unique conseillère est morte. » Et ses yeux se tournèrent vers la forme muette qui se trouvait derrière elle. « Si je commets des bévues, si je... Mais vous m'avez demandé la vérité, et je vous la dirai tout entière. » « Je n'ai plus de père. Depuis ce matin, je n'ai plus de mère. Tant qu'elle a vécu, j'estimais qu'il était de mon devoir de travailler pour elle aussi bien que pour moi, afin qu'elle eût encore un peu du confort matériel auquel elle était habituée et que ses propres moyens ne lui permettaient plus. Dans ce but, je cherchais une situation à Chester et trouvais à me placer comme institutrice dans une famille que je préfère ne pas nommer. » Un léger tremblement, vite maîtrisé, trahit l'agitation que cette allusion lui causait. Ma mère vivait à Danton, à peu de distance d'ici. Tout le monde vous dira là quelle femme estimable c'était. J'aurais voulu la voir habiter Chester, c'est-à-dire que je l'aurais voulu au début. Plus tard, je... Mais elle était née à Danton et craignait de ne pouvoir s'accommoder d'une installation nouvelle. J'allais chez elle une fois par semaine, et un autre jour, généralement le mercredi, nous nous rencontrions sur la grande route. Une fois, nous nous sommes rencontrés ici, mais personne ne semble se rappeler nous y avoir vus. J'avais une profonde affection pour ma mère, et elle me la rendait. Si je n'avais jamais aimé une autre personne, je serais encore heureuse. De la famille où je me trouvais vivait un homme. Il me paraît être à des milliers de lieues maintenant, après tout ce que j'ai traversé depuis hier. Il faisait partie de la famille. Nous nous trouvions souvent ensemble. Je lui ai plu. Moi, il aurait pu me plaire s'il avait été meilleur, mais il était loin d'appartenir au genre d'homme que ma mère jugeait favorablement, et quand ses assiduités devinrent trop pressantes, je pris peur et finalement je m'enfuis. Je n'étais pas assez sûr de moi. Il avait sur moi une influence déplorable que je détestais tout en m'y soumettant à moitié. Vous vous êtes enfui à quel moment ? Hier après-midi, vers 6 heures. Il s'était juré de me revoir avant la fin de la soirée, et je n'avais pas d'autre moyen d'empêcher cette rencontre. J'étais loin de penser à ce qui pouvait m'attendre dans cette paisible auberge. « Continua, » insista le coroner, après un moment de silence embarrassé. « Dites-nous ce qui arriva après votre départ de Chester. » J'allai tout droit au bureau télégraphique le plus proche et j'envoyai un message à ma mère. Je lui dis que je rentrais à Danton et la priai de venir à ma rencontre sur la route près de cette auberge. Le soleil était couché au moment où je me mettais en route et je marchais vite afin de gagner les Trois Fourches avant la nuit. Je pensais que si ma mère avait reçu le télégramme rapidement, ce que je supposais probable car elle habitait à côté du bureau télégraphique de Danton, elle serait déjà tout près d'ici quand j'y arriverais. Je m'attendais même à la rencontrer dès que je me serais engagé dans les bois, mais je ne la voyais pas. Je m'avançais sans la rencontrer jusqu'à la porte de l'auberge. À ce moment, je l'ai aperçue qui arrivait et j'ai couru au-devant d'elle. Elle était heureuse de me voir, mais elle s'est mise à me poser un grand nombre de questions auxquelles j'avais quelque peine à répondre. Elle le constata et m'interrogea longuement. Il fallut bien lui donner satisfaction. À ce moment-là, il était tard, il faisait froid et nous avons décidé de passer la nuit à l'auberge. Nous y sommes arrivés et cet homme nous a reçus. Mademoiselle Desmarais se leva et du doigt désigna Quimby. Pas un battement ne troubla l'affirmation du regard de l'aubergiste et Hammer Smith, qui n'avait pas caché son désir de croire au récit de la jeune fille, laissa voir son désappointement tandis qu'il demandait « Qu'y avait-il encore dans la salle ?» Quimby n'était certainement pas seul. La jeune fille se rassit avant de répondre et Hammersmith put voir l'effort qu'elle faisait pour se rappeler la scène. Il se prit à essayer de l'évoquer lui-même. La vieille salle enfumée, avec son unique grande fenêtre donnant sur la route et sa porte vitrée conduisant au vestibule d'entrée. Les deux femmes étaient entrées par cette porte et s'étaient approchées du bar qui remplissait aussi le rôle de bureau dans cette vieille et étrange auberge. Il les voyait là, debout, éclairées sans doute par une seule lampe, tandis que le reste de la pièce se trouvait dans l'ombre. Mademoiselle Desmarais avait-elle essayé de percer du regard les ténèbres? Ce n'était pas probable. La présence de sa mère la rassurait, et il savait qu'elle allait le dire. Par une étrange télépathie dont il aurait ri quelques heures auparavant, il connaissait d'avance les paroles qu'elle allait prononcer. Pourtant, il écouta avec le plus grand intérêt quand, ayant levé la tête, elle répondit enfin. Il y avait un homme. Je suis sûr qu'il y avait un homme à l'autre bout de la pièce, mais je ne fis aucune attention à lui. Je convenais du prix de deux chambres et j'inscrivais mon nom et celui de ma mère. Deux chambres? Pourquoi deux? Étiez-vous habitué à un tel luxe qu'il vous fallait une chambre pour vous toute seule? Messieurs, j'étais fatigué. Je venais de passer une demi-heure exténuante. Je savais que si nous occupions la même chambre ou même des chambres contiguës, rien ne nous empêcherait de passer la nuit en conversation inutile et déprimante. Je ne m'en sentais pas le courage. C'est pourquoi je demandais deux chambres peu éloignées l'une de l'autre. Cette explication était admissible. M. Hammersmith sentit renaître son courage et tressaillit à peine lorsque le coroner, plus froid, reprit l'interrogatoire en disant « Où vous teniez-vous pendant que vous vous arrangiez avec M. Quimby ?»« Juste devant le bureau. Et votre mère ?»« Elle était à ma gauche et un peu derrière moi. » C'était une femme timide. Je prenais généralement la parole quand nous étions ensemble. Portait-elle une voilette? Continua le coroner. Je crois que oui, elle avait pleuré. L'orpheline s'arrêta. Vous n'êtes pas sûr? Je crois me rappeler que sa voilette était baissée quand nous sommes entrés dans la pièce. Elle l'a peut-être levée pendant que je parlais à Quimby. En tout cas, elle avait le visage découvert quand nous avons monté l'escalier. Je me souviens d'avoir été heureuse à ce moment de constater que les lampes éclairaient mal, tant elle avait l'air douloureuse. Au physique ou au moral? Ce fut M. Hammersmith qui posa cette question. Elle sembla éveiller une nouvelle idée dans l'esprit de la jeune fille. Elle regarda attentivement celui qui venait de parler, puis répondit d'un ton troublé. Les deux. Je me demande. Puis elle hésita et elle s'arrêta. Continuez, ordonna impatiemment le coroner. Racontez votre histoire. Elle est en contradiction sur presque tous les points avec celle de l'hôtelier, mais nous avons promis de vous écouter jusqu'au bout et nous le ferons. » Mademoiselle Desmarais se hâta d'obéir. « Monsieur Quimby dit vrai quand il raconte qu'il m'a demandé si je voulais dîner et aussi quand il répète ce que j'ai dit au sujet d'un monsieur. Mais il est faux que j'ai demandé à être prévenu si ma mère arrivait et s'informait de moi. Ma mère était auprès de moi pendant que nous causions et je n'avais à faire aucune recommandation la concernant. Une femme nous accompagna jusqu'à nos chambres. Il dit que c'est sa femme. Je voudrais la voir. « Je suis là, mademoiselle, » dit une voix qui s'élevait d'un coin obscur où personne n'avait songé à regarder jusqu'alors. Mademoiselle Desmarets se dressa aussitôt et attendit que la femme s'avançât, ce qu'elle fit d'un pas vif et naturel. À la vue de son visage ouvert et agréable, M. Hammersmith comprit pour la première fois l'attitude décidée du coroner. Si cette femme corroborait la version de son mari, la pauvre jeune fille n'avait pas grande chance de faire admettre son témoignage. Il s'attendait à la voir se troubler, mais elle se tenait debout, au contraire, déterminée et belle, d'une beauté fiévreuse. « Qu'elle nous dise ce qui s'est passé là-haut » s'écria-t-elle. « Elle nous a montré les chambres et a porté ensuite de l'eau dans celle occupée par ma mère. » « Je regrette d'avoir à contredire mademoiselle, » répliqua d'un ton calme la femme de l'aubergiste. « Elle affirme que sa mère était avec elle et que j'ai conduit cette mère dans la chambre qui lui était destinée. Je ne doute pas le moins du monde qu'elle n'en soit arrivée à se figurer cela réellement. Mais les faits sont les suivants. Elle est arrivée seule et s'est rendue dans sa chambre sans y être accompagnée par personne d'autre que moi. Elle paraissait parfaitement calme et l'idée ne me vint pas de soupçonner quelque chose d'anormal. Pourtant, à ce moment-là, sa mère gisait déjà dans le bois. « Silence !» Ce cri fut jeté par Mademoiselle Desmarets, qui s'était dressée de toute sa hauteur et foudroyait Kimby et sa femme de son indignation passionnée. « Je n'écouterai pas plus longtemps de semblables mensonges, » dit-elle. « Ma mère était avec moi. Cette femme a été le témoin de nos adieux et conduisit ensuite ma mère à sa chambre. Je l'ai suivie du regard. » Elles descendirent le corridor à gauche et se dirigèrent vers un certain tournant. Je continuai à les suivre des yeux jusqu'à leur disparition derrière ce coude. Je fermai ensuite ma porte et commençai à ôter mon chapeau. Mais je n'étais pas tout à fait satisfaite du bonsoir échangé entre ma pauvre mère et moi. Et presque aussitôt, j'ai rouvert la porte et me suis mis à courir le long du couloir. Je dépassai le coude et essayai de découvrir la chambre de ma mère. Je ne me rappelle pas très bien l'aspect de ce corridor. Je passai devant plusieurs portes qui étaient fermées et je serais retourné sur mes pas, embarrassé, si à ce moment je n'avais aperçu la silhouette de la maîtresse d'hôtel, de vous-même, madame. Vous sortiez d'une chambre et entriez dans une autre. Vous portiez un broc d'eau. Je m'hâtai de courir derrière vous et j'atteignais la porte juste au moment où vous alliez la fermer. Pouvez-vous le nier, et aussi que vous êtes effacé tandis que j'entrais en courant et serrai encore ma mère dans mes bras? Si vous pouvez et osez le faire, c'est que vous êtes d'une odieuse fausseté ou que je... Mais je ne puis admettre que je ne sois pas saine d'esprit. C'est vous qui, dans un but que je ne puis deviner, persistez à nier des faits dont dépendent mon honneur, sinon ma vie. Voyons, messieurs, vous m'avez, l'un de vous au moins, m'a entendu décrire cette chambre dans laquelle j'ai vu ma mère. Son aspect est gravé dans mon souvenir. Aucun détail ne m'a échappé. Le papier qui couvrait les murs. « Nous avons visité les chambres, » interrompit le coroner. « Nous n'en avons trouvé aucune tendue avec le papier rose dont vous avez parlé. » Elle le regarda fixement, s'éloigna de quelques pas et finalement se laissa tomber sur une chaise. « Vous n'avez pas trouvé ? Mais on ne vous les a pas montrées toutes. » « Je crois que si. Vous ne les avez pas toutes vues. Cette chambre existe. Je ne puis avoir rêvé. » Mademoiselle Desmarets laissa tomber de ses lèvres dans un délire de désespoir. « C'est une conspiration. Si ma mère avait eu sur elle de l'argent ou des bijoux de valeur, je croirais qu'elle a été victime de cette femme et de cet homme qui osent mentir si cyniquement. Ils disent que ma pauvre mère a été trouvée étendue, tout habillée et morte dans le bois. Cela peut être vrai. » Car j'ai vu des hommes la porter ici, mais si cela est, quelle garantie avons-nous qu'elle n'a pas été attirée là, assassinée, et qu'une mise en scène n'a pas été improvisée, afin de laisser croire qu'elle était victime d'un accident? Pareille chose s'est déjà vue. Puis elle supplia qu'on lui permît de fouiller la maison pour y découvrir la chambre dont elle se souvenait si bien. « Quand je vous l'aurai montré, » cria-t-elle d'un air d'assurance, « vous croirez au reste de mon histoire. » « Dois-je accompagner moi-même, Mademoiselle Desmarets ?» demanda M. Kimby. « Ou suffira-t-il que ma femme l'accompagne ?»« Nous l'accompagnerons tous, » dit le coroner. « Très bien, » acquiesça l'hôtelier. « C'est la seule manière de la calmer, » murmura-t-il à l'oreille de M. Hammersmith. Ce dernier se retourna brusquement vers lui. « Pas d'insinuation, » dit-il. « Cette jeune fille n'est pas plus folle que moi. Nous trouverons la chambre. »« Vous aussi, » murmura l'autre d'un ton patelin. Tandis qu'il suivait le coroner, M. Hammersmith offrit son bras à Mademoiselle Desmarets, et l'hôtesse ferma la marche. « Montons, » dit la jeune fille que secoua un frisson. « Nous nous rendrons d'abord à la chambre que j'occupais. » Quand ils arrivèrent devant la porte, elle les arrêta d'un geste et s'avança dans le corridor. Ils la suivirent rapidement. « C'était un tournant, » murmura-t-elle d'un air méditatif, en s'arrêtant au premier coude. « C'est tout ce que je me rappelle. Mais nous visiterons chaque chambre. » « Nous l'avons déjà fait, » objecta le coroner. Mais apercevant le regard d'avertissement que lui jetait M. Hammersmith, il s'abstint de toute autre intervention. « Je me souviens parfaitement de l'aspect de la pièce, » disait la jeune fille. Mais chaque fois qu'une porte s'ouvrait sur une chambre, elle était bien forcée de reconnaître qu'il ne s'agissait pas de la pièce mystérieuse. « N'y a-t-il pas un autre corridor ? » demanda-t-elle. « Si, il y a un autre couloir, à voie l'hôtelier, en désignant le chemin à suivre pour gagner l'annexe. « Oh ! » murmura-t-elle en remarquant l'attention croissante du coroner et de son compagnon. « Nous la trouverons de ce côté. »« Reconnaissez-vous le corridor ? » demanda le coroner, tandis qu'il pénétrait par un étroit passage dans la partie la plus ancienne de l'auberge. « Non, mais je reconnaîtrai certainement la chambre. Attendez !» C'était Hammersmith qui la retenait tandis qu'elle s'élançait en avant. « Je voudrais seulement vous prier de décrire le mobilier de cette chambre et d'indiquer de quelle façon il était disposé. » Elle s'arrêta, tressaillit, puis dit « Elle était horriblement nue. Il y avait un lit à gauche. À gauche ?»« Elle a dit à gauche, » dit l'aubergiste, « mais je ne vois pas quelle importance cela peut avoir. Cela n'existe que dans son imagination. Continuez, » dit Hammersmith avec bonté. « Il y avait une fenêtre. J'ai vu les vitres troubles et ma mère debout entre elle et moi. Je ne puis décrire les menus objets. » Pendant ce temps, l'aubergiste et sa femme attendaient avec une patience étudiée. Quand Mademoiselle Desmarets les rejoignit, Kimby lui tendit un trousseau de clés en disant « Aucune de ces chambres n'est occupée aujourd'hui. Vous pouvez les ouvrir sans hésitation. » Elle le regarda fixement, puis se mit à marcher à grands pas. M. Hammersmith la suivait. Soudain, tous deux s'arrêtèrent. Elle ne parvenait pas à s'orienter. « Je croyais pouvoir aller tout droit à cette chambre, » déclara-t-elle. « Il me faudra ouvrir toutes les portes, comme nous l'avons fait dans l'autre corridor. »« Laissez-moi vous aider, » dit M. Hammersmith. Elle accepta son aide et la recherche reprit, aussi infructueuse que précédemment. L'espoir de la jeune fille se changeait progressivement en désappointement. La vigueur de son pas s'était affaiblie. Au moment où elle s'arrêtait, profondément affligée, devant la dernière porte qui resta à ouvrir et introduisait la clé dans la serrure, elle tourna un visage livide vers M. Hammersmith. Il ne la quittait pas des yeux, tandis que la porte s'ouvrait. Mais il épia en vain. L'exiguïté de la pièce, sa nudité, son unique fenêtre, l'absence de tout autre meuble qu'un petit lit dressé à droite, non à gauche comme elle l'avait dit, ne semblèrent faire aucune impression sur elle. La dernière, et je ne l'ai pas trouvée. Oh, monsieur ! Gémissait-elle en saisissant le bras de M. Hammersmith. Suis-je donc folle ? Était-ce un rêve ? Où est-ce maintenant que je rêve ? Puis, comme l'hôtesse s'avance avec empressement, elle s'accrocha avec frénésie à M. Hammersmith, criant dans une sorte d'égarement. « C'est maintenant que je rêve. La chambre dont j'ai gardé la mémoire existe, et mon histoire est vraie. Prouvez-le, ou je perdrai la raison. Je la sens me fuir !» Chut ! Hammersmith tâcha de la calmer. « Votre histoire est vraie, je le prouverai. En attendant, ne doutez pas de votre raison. Elle ne vous abandonnera pas. » Il avait vu les coins de la bouche de l'hôtelier se plisser sarcastiquement, tandis que la porte de la chambre se fermait.